GIS Pro. Everyday swag. Everyday hype. Swaggy. Nigga. GLBD. MIM. GIS. Pros. Chips. Pros. Chips. Pros. Pros. Pros. Chips. Nigga. C'est la team of the pro. Team of the pro. C'est ça, le négro veut me faire la peau. C'est la team of the pro. Team of the pro. De Jamina à Bangui, de Bangui à Brazzaville. C'est la team of the pro, team of the pro. Quand on passe sur scène, ça résonne en écho. C'est la team of the pro, team of the pro. Tu veux nous test, on est des bestes, on fait mal quand t'es gros. A self-made man, I don't want to make you mad, I just want to make you crazy, make you crazy, make you lazy. Yeah, GIS is pro team. Whenever on top, GIS is slim team. Follow, follow us, and we stop with that team. How many try us? You know that you are mortal. GIS bro, we are all immortal. Yeah, never I go Lego, Lego, me go Lego, let's go. Remember my lyrics, you will give me reason. You are the living legend like Michael Jackson. We are more dangerous than Voldemort. You want to be like me, Negro, so tell me more. On the beginning, come on, digital record. On the finish step, come on, GIS talk. I'm a serial lover on the path to shore. Yeah. Remember us, we are the dream team. C'est la team of the pro, team of the pro. C'est ça, le négro veut me faire la peau. C'est la team of the pro, team of the pro. De Jamina à Bangui, de Bangui à Brazzaville. C'est la team of the pro, team of the pro. Quand on passe sur scène, ça résonne en écho. C'est la team of the pro, team of the pro. Tu veux nous tester, on est des swag, on est mal, on est pro. Team des pros, c'est la team des pros. C'est ça, le négro veulent nous faire la peau. Négro à ma gauche, JLPD chope un pot. T'inquiète pas, MAM et Al, j'suis en mode Gucci Black. Petit secta qui fait mes punchlines. Parle en temps de rallye, tu kiffes tellement mes freestyle. Oh, j'suis dans la zone des pros. J'rappe en wash out, on passe, faut trappe le ballon, passe le ballon. Si je te bloque, si je t'efface, tu voudras qu'on se fight. Appelle-moi, on dit le swag, le yarda qui vous écrase. Je comprends pas ce qui se passe, je te fais des passe à la si tu veux test. J'ai la masse, donc te test. Pas mon mic pour tout rater, gaffe pas tard. Oh, je te close, je bombarde les MC qui m'entourent. Tout ça pas que je suis hâte depuis Pézin, ta Jamina. On parle que de moi, appelle-moi, on dit le swag. C'est la team of the pro, team of the pro. C'est ça le négro, ça me faire la peau. C'est la team of the pro, team of the pro. De Jamina à Bangui, de Bangui à Brazzaville. C'est la